Bonjour à toutes et tous ceux que je n'ai pas salués. Je suis un archiviste. Alors, je m'excuse d'avance. Hein. On n'est pas les plus rigolos des rigolos. Ce qui fait que là, vous allez vous taper 20 minutes. Peut-être que vous avez de la chance que ça ne dure pas plus longtemps. D'archives. J'aurais pu vous faire un récit, j'aurais pu vous faire un exposé, j'aurais pu vous raconter une histoire. On a des histoires fabuleuses aux archives. Elles se mettent toutes les unes sur les autres. Mais là, vu le temps qui m'est alloué, et puis l'enjeu un peu du débat, l'idée était de vous présenter des archives. Vous en avez déjà une là où on voit des Algériens se faire arrêter. Alors évidemment, tout ce que vous allez voir sont des documents d'archives qui viennent de notre fonds, donc des archives qui concernent la métropole de Lyon, et puis le département du Rhône. Là où il y a peut-être un petit truc à expliquer, à préciser, c'est que beaucoup de ces archives, vous n'auriez pas pu les voir il y a encore très peu de temps, puisque tout ça a été déclassifié à peu près à la période du Covid, suite au rapport de Benjamin Stora à l'Assemblée. Donc Macron, dans la foulée, a décidé de déclassifier tous les documents. Vous auriez pu les consulter, mais enfin, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Moi, en tout cas, je n'aurais pas pu vous les communiquer comme ça, en mode public. Donc je suis assez content de le faire, donc vous ne serez pas surprise et surpris d'en voir certains frapper du sceau secret, confidentiel, tout ça. Quoi, voilà. Au préalable, je commence je vais parler de la guerre entre le MNA et le FLN. Vous savez, je pense que tout le monde sait qui est le FLN. Son gros rival indépendantiste, c'était le MNA, donc le FLN Front Libération Nationale, MNA, le Mouvement National Algérien. Pour situer un petit peu ces indépendantistes algériens, l'indépendantisme algérien a commencé quasi en même temps que la colonisation. Il a vraiment pris un gros coup d'accélérateur au début du XXe siècle, puis énormément après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et surtout les événements du 8 mai 45 à Sétif, où vraiment le divorce là, entre la France et l'Algérie semble évident. Et donc un des leaders, une des personnes les plus charismatiques de ces indépendantistes algériens est Messali Hadj, qui est à la tête d'un parti indépendantiste qui s'appelle MTLD, Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, que vous pouvez voir ici. Alors là, j'ai mis une petite photo, là on est en 1951, c'est la fête du 1er mai, on est dans les rues de Lyon, donc vous voyez qu'il y a une section MTLD, donc c'est des Algériens, des travailleurs, hein. Il y a déjà des immigrés algériens à cette époque-là, on ne peut même pas dire parler d'immigrés algériens, puisque les Algériens sont français à cette époque-là. Et donc du coup, vous voyez, là c'est la section MTLD de Lyon qui quand même regroupe 900 manifestants. Donc on voit qu'on n'est pas sur des composantes totalement ridicules ou anecdotiques. Le document qui est à côté, vous pouvez voir que le MTLD demande à inviter les musulmans à se joindre au mouvement de grève et à suivre les manifestations organisées par la CGT. Il y a une connivence directe d'un point de vue politique entre les syndicalistes, la CGT, le MTLD, etc., etc. À chaque fois, tous les documents que vous voyez, que je vous ai mis, vous allez voir, je suis super, j'ai souligné en violet là où ça parlait du café ou quelque chose, et j'ai fait un gros plan en dessous. Là, on ne peut pas faire mieux. Donc du coup, là, vous pouvez voir sur ce document-là que le MTLD invite les musulmans, donc la diaspora musulmane qui est ici en tant que travailleurs, c'est surtout des ouvriers qui viennent à cette époque-là, vraiment au début des années 50. Donc ils voudraient que les quartiers et les restaurateurs musulmans ferment leurs établissements dans un but de solidarité pour obliger les travailleurs à s'en réunir. Là, l'objectif est de monter une manifestation en souvenir de personnes qui ont été tuées un an plus tôt, des Algériens qui ont été tués dans une manifestation le 14 juillet 1953. Un autre document, alors le seul MTLD, pourquoi je vous parle de MTLD? Parce que le MTLD, c'est la matrice, c'est la mère de ces deux fils que sont le FLN et le MNA. Les indépendantistes du FLN, les indépendantistes du MNA vont bien s'embrouiller, c'est un euphémisme. Et donc du coup, il va y avoir une scission qui va prendre du temps à être effective, mais elle le sera vite en 1954. Mais Messali Hadj, donc le père du MTLD, va fonder le MNA comme une espèce en réaction au FLN qui, lui, s'est scindé du MTLD. Les uns et les autres se reprochant, en tout cas le MNA reprochant au FLN d'être un petit peu trop radical, et vous avez compris, à l'inverse, le FLN reprochant au MNA d'être un peu trop politique. Du coup, on peut voir que sur ce document-là, vous voyez les responsables de la Daïra de Lyon, donc du MNA, qui ont envisagé de se rendre en délégation auprès des responsables locaux du Front de Libération Nationale à leur lieu de réunion habituelle, dit rue Voltaire, café Bellouchet. C'était pour montrer que la place que peut prendre un café dans ce lieu-là. En l'occurrence, là, le FLN avait son QG à cet endroit-là, dans un café. C'est marrant de voir d'ailleurs comme tout ça va se confirmer tout au long du conflit. Pourquoi est-ce que... Enfin, un des enjeux principaux de la lutte entre ces indépendantistes, entre le FLN et le MENA, c'est d'avoir le contrôle sur l'habitat algérien. Comme je vous ai dit, les Algériens, donc là je vous ai sorti une petite note, on est un petit peu hors propos, mais c'est quand même pour contextualiser, donc c'est une note de la préfecture de 1953, vous pouvez voir qu'il y a 12 563 Algériens qui sont dans le Rhône à ce moment-là, vous avez tout le détail et vous avez notamment les lieux dans lesquels, j'allais dire, ils résident, mais ça sera un petit peu culotté, certains on va dire voilà, où ils habitent, où ils résident, certains où sont logés, voire même pour, parce qu'on a des niveaux de logement qui sont très variables, entre tout en haut un hébergement d'entreprise qui ressemble à un gros bungalow. À côté, vous avez un garni, ça c'est rue Bancel, mais un peu à l'image de ce que pouvait être garni à cette époque-là, vraiment des hôtels sordides. Tout en bas, vous avez le top du top, 4 étoiles, c'est le bidonville. Les deux plus grands bidonvilles étant ceux à l'époque, il y en avait beaucoup, hein, mais c'était ceux des Buères et puis celui de l'Os Feliza à Gerland. Et au milieu, vous avez ce qu'on appelle des centres d'hébergement, je vous ai mis le plus grand, qui est, vous fermez vos yeux, vous oubliez le crayon, le centre commercial, la gare, etc., etc. Et à la place, vous mettez cette grosse caserne militaire, puisque ça a été jusque dans le milieu des années 60, il y avait cette grosse caserne militaire en plein milieu. On s'en est servi de plein de choses, de cette caserne, et notamment à ce moment-là, pour mettre des travailleurs algériens. L'idée donc du MNA comme du FLN est d'avoir la main sur cette population. Parce que cette population est le seul moyen, entre guillemets, de financer la résistance, tout simplement. Les résistants, la LN, qui représente à peu près 40 000 soldats au maximum contre une armée française qui a son prime, peut avoir jusqu'à 400 000 hommes et puis qui a très très peu d'équipement. Je parle de la LN, hein, pas de l'armée française. Donc vous voyez que militairement, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Mais malgré tout, ils doivent quand même mener une lutte. Il faut trouver il faut de l'argent. Ils n'ont pas le demander au gouvernement algérien, il n'y en a pas. Ils n'ont pas le demander au gouvernement français, ils sont en guerre contre lui. Donc ils rançonnent, ils raquettent. La population algérienne, tous les immigrés, ça se passe sur tout le territoire, et ça se passe enfin, sur toute la métropole, et évidemment dans les lieux où il y a beaucoup d'immigration, donc les zones urbaines où il y a beaucoup de travail, comme principalement Paris, Lille, Marseille, enfin les grosses zones urbaines. Donc du coup, le FLN va même jusqu'à imposer ce qu'on appelle l'impôt de guerre, 10%. Tu gagnes tant, tu nous vois 10%. Et vous allez voir qu'il vaut mieux payer. D'ailleurs, là, dans le cadre de cette conquête de territoire, quelque part, c'est une guerre de territoire, va se déclencher à partir de 1957 ce qu'on appelle la guerre des cafés. Donc, vous pouvez voir ici, alors, sur certains documents, vous voyez, il y a des carrés blancs, c'est parce que j'ai préféré, même si c'est communicable, quand même rayer, masquer les noms, parce que je n'ai pas trop envie de faire du spectacle avec ça. Sachez quand même qu'ils sont communicables, rien n'est interdit pour y aller, voilà. Donc là, vous voyez que là, en l'occurrence, il y a un attentat par arme à feu qui a été fait au café des Sept Chemins, donc à rue Masneau. Donc ils sont venus, ça a mitraillé, ça commence comme ça. En fait, ça a tout commencé le 5 avril 1957. Le FLN qui commence, qui mitraille un café à Vénissieux, le MNA riposte, le FLN riposte, le MNA riposte, le FLN riposte, le MNA, vous avez compris. Je peux aller comme ça jusqu'en 1962, ce qui est quand même un petit peu une particularité, parce que partout sur en métropole en Algérie, le MNA va vite être mis au pas par le FLN, et en 58, il n'y a même plus de MNA quasi, sauf particularité, dans la région de Lyon, où le MNA, notamment sous l'action d'un leader qui s'appelle Kadour, va résister jusqu'en 62. Ce qui fait que cette guerre algéro-algérienne, cette guerre fratricide entre indépendantistes, va s'étendre à Lyon beaucoup plus longtemps que sur le reste de la métropole ou en Algérie. C'est un peu notre spécificité locale par rapport à cette époque. Donc là, vous pouvez voir donc une attaque, là, une réponse là, du MNA, donc, etc., etc. Ils sont avisés par le poste central qu'un attentat vient d'être commis au café 69 rue Masneau à Lyon, etc., par arme à feu explosif. Donc on est l'année d'après. Enfin voilà, comme je vous dis, pendant des années, ça mitraille. Ces cafés ne sont donc pas uniquement des lieux où les commandos, voire même les indépendantistes se regroupent pour discuter politique, pour mettre au point leurs opérations, etc. Ça va être des lieux vraiment très importants, notamment pour le FLN après 58 et l'ouverture du second front et tout ça. Mais ça ne donne pas que de lieux de réunion et on va dire d'élaboration de politique à venir ou d'action à mener. Il sert aussi de lieux où, comme vous pouvez voir ici, il y a beaucoup de commentaires nombreux dans les cafés. Les gens qui se réunissent dans ces cafés, les Algériens, discutent beaucoup. On peut voir sur le document de droite, c'est droit pour vous aussi, qu'on tracte aussi. Voilà, il y a des tracts qui ont été remis là, puis qui sont distribués dans les cafés, dans un café de Vénissieux, pour après être dispatchés un petit peu partout. Donc le café est à la fois un lieu vraiment qu'on voit se définir de plus en plus comme un lieu stratégique pour ces deux parties. Là, on peut voir que ces cafés servent aussi de lieu de représailles. En l'occurrence, là, vous voyez que Document de Gauche à Villeurbanne, un musulman, bon, ils ont toujours des noms un peu, on les appelle des fois les Maghrébins, des fois c'est souvent aussi les FSM, les Français de souche musulmane, les musulmans, enfin bref, un Algérien a été conduit au café, lui il n'a pas voulu payer la cotisation, donc les gars du FLN lui ont dit, bah si, tu vas venir avec nous, et la manière de persuader le non-cotisant de cotiser, je vous garantis que il n'y avait pas le choix, c'était ils payaient ou ils payaient. Et j'ai volontairement fait abstraction des photos les plus gourdes, on a des photos extrêmement dures où ceux qui ne payaient pas se retrouvaient dans un état. Il y a eu beaucoup d'homicides liés à ça. Et beaucoup de condamnations. Mais je n'aurai pas le temps de revenir sur tout ce qui relève de la justice, exception, etc. Document de droite, vous pouvez voir là que c'est un. L'autre qui a été conduit par des militants FLN dans la cadre d'un débit de boisson, il est obligé de payer normal amende et puis il a été, c'est pas de dire mis à l'amende. Là, en l'occurrence, c'était pour pas boire d'alcool et tout. Il y avait aussi une espèce de contrôle moral du FLN sur la population algérienne immigrée. Et à partir de 58-59, ils ont même dans des cafés, dans des caves de café ou de débit de boisson, ils montent des tribunaux. Hein. Et il faut y rendre des vrais jugements. Avec des condamnations, pas souvent, elles sont souvent assez radicales. Café, lieu de collecte, bah oui, l'argent, une fois qu'on l'a pris aux Algériens, c'est bien mignon, mais il faut arriver à l'emmener là où il doit être dépensé pour acheter des armes. C'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire. Surtout que, sans excusez-moi le terme, ça vous paraît peut-être un petit peu excessif comme. Mais quand vous avez une tête d'arabe à cette époque-là, mettez pas le nez dehors, parce que vous êtes. Même pas surcontrôlé, c'est ultra surcontrôlé. Donc il n'y a pas de on ne fait pas de transfert. Hein, y a pas, donc à cette époque-là, de l'argent, c'est du physique dans des valises. Donc notamment il y a pas mal de Françaises beaucoup de Français un peu, notamment dans certains réseaux qui vont être des porteurs de valises, qui vont aider les Algériens à acheminer l'argent jusque là où il doit l'être pour que les achats d'armes se fassent. Mais là, vous pouvez voir que tout commence aussi là à nouveau dans des cafés. Les fonds qui ont été recueillis, qui ont été collectés, qui ont été raquettés, tout ça est valable, sont emmenés dans des bars où c'est regroupé avant de partir là où ça doit partir. En l'occurrence, là, vous voyez que c'est agivore. Ça va, je vais pas trop vite sur tout ça. J'ai presque fini, je vais vite là. Café, lieu, c'est pas, il me reste encore un petit peu. Oui. Excusez-moi, peut-être aller encore tenir. Alors, lieu de contrôle, vous doutez bien que tout ça ne se passe pas avec l'aval des autorités. Donc, je n'ai pas le temps de vous parler de la justice d'exception, mais je suis quand même obligé de passer. On va passer par les actions policières. Vous avez encore 10 minutes. Hein. Ah ouais, bah super, je ralentis le début. Hein. Du coup, les cafés donc sont probablement un des lieux, enfin, sont considérés à juste titre comme un lieu hautement stratégique par les autorités, par la préfecture. C'est quasi que des documents de la préfecture, ça, de fonds préfecturaux. Et du coup, vous avez les cotes qui sont mis à chaque fois pour ceux que ça intéresse. Donc évidemment, les lieux, comme vous pouvez voir ici, ça c'est un espèce de mémentum du préfet en 57 qui donne des instructions qui sont données à toutes les polices lyonnaises et du Rhône en disant, ben, voyez, mesures préventives, vous pouvez voir que la première contrôle presque journalier des garnis cafés et voies publiques. Donc on contrôle tous les jours et les cafés font partie des lieux qui sont les plus surveillés. Vous pouvez voir aussi qu'on va faire des fiches, c'est ce qu'ils appelaient les fiches blanches, des fiches sur tous les loueurs de garniers, les hôteliers et puis les cafetiers. Vous avez même à droite une liste, on en a plein, j'en ai pris au hasard, une liste tous les débits de boissons qui sont tenus par des Algériens ou peut-être parfois, enfin, tenu par des Algériens, ou en tout cas fréquenté par des Algériens, mais il y a souvent concomitance entre les deux trucs. Vous pouvez voir, c'est tout à peu près dans des, c'est dans des secteurs qui sont très... On est en train de parler de lieux qui sont très très proches de là où on est. Hein, c'est, elle est encore là, la petite Médina, hein, c'est vers la place vers la Guillotière et tout ça. Quoi. D'ailleurs, ben, cette fameuse place, vous pouvez la voir, Gabriel Péri, etc., rue Chaponnet, enfin tout ça vous cause. Vous pouvez voir qu'en blanc, en rouge, en blanc, en bleu, pardon, les petits points, c'est des garnis. Ici, on est en train de parler d'une arrestation. Alors, pour vous donner une idée, j'ai pris celui-là, j'aurais pu en prendre d'autres, mais ça vous donne un petit peu une idée de l'ambiance. Là, ils vont faire des contrôles. Mais les contrôles, c'était des contrôles qu'on pouvait contrôler jusqu'à arrêter jusqu'à 1500 personnes en une nuit. C'était des rafles massives, c'était démentiel. Vous pouvez voir que là, il y a des véhicules de police. Vous pouvez voir qu'il y a la... c'est sur le document d'après. Donc là, vous voyez que tout le quartier est quadrillé. Il y a des trucs avec des mitraillettes, il y a des barrages avec des chiens. C'est des opérations qui ne sont même pas policières, c'est des opérations qui sont politico-militaires. Il y a même des militaires de Grenoble qui sont venus pour participer. Alors, il y en a eu plein. Hein. Il y en a eu en 55, en 56, en 57. Voilà. L'une des plus connues, l'opération Chute en 57, je crois. Celle-là, c'est plus tard. Celle-là, elle date, ben, vous pouvez la voir ici. C'est donc en 57, où là, il y a 707 musulmans qui sont contrôlés. Pour 23 qui finalement s'avéreront être éventuellement suspects. C'est quand même beaucoup de mecs arrêtés pour pas grand-chose quand même, quand on y réfléchit. Donc vous voyez que les Nord-Africains qui stationnent sur la voie publique, ceux qui consomment dans les 20 cafés installés dans le secteur, les locataires permis, etc., etc., tout ça est arrêté. Vous pouvez voir que les moyens qui sont engagés ne sont pas négligeables, hein, puisqu'on parle quand même de 400 gardiens de la paix, 150 CRS, 160 gendarmes. Et comme je vous dis, dans d'autres opérations, passées là en l'occurrence, et même des fois l'armée intervient. Donc, vous pouvez voir des photos aussi de policiers qui rentrent dans les cafés pour fouiller. Puis évidemment, bon, au bout du bout, conséquence de tout ça, les cafés sont aussi un lieu que l'on ferme. Vous pouvez voir que l'objet de ce document, secret, très urgent, etc., etc. Donc, fermeture de débit de boissons, de restaurants, d'hôtels exploités par les Nord-Africains au cours des années 55-56. Il y en a, ils vont passer leur temps à être fermés, à rouvrir. Tout ça, je suis vraiment allé, j'ai jamais fait aussi vite de ma vie. Hein. Tout ça pour vous dire donc, que ces cafés étaient des lieux qui étaient hautement stratégiques. J'ai peut-être un petit peu... débordé par rapport à l'intitulé, c'était parce que là, c'est pas vraiment la place des cafés dans la guerre entre le FLN et le MENA, ce serait plutôt la place des cafés tout court dans ce qu'étaient les indépendantistes. Et je me répète, donc essentiellement à 90% le FLN, avec cette spécificité locale qui fait que le MENA restait ici actif. On parle quand même entre le FLN et le MNA d'une guerre qui a été très conséquente. Hein. C'est des milliers de morts et on est sur 25 000 blessés et 10 000 morts sur l'ensemble de la métropole et de l'Algérie. Les chiffres ici sont beaucoup moins conséquents, on est quand même pas loin d'une centaine. Et le MNA qui avait énormément moins de militants que le FLN, surtout après 58, où le FLN prend vraiment la main. Puis le second front, je pense que ça cause à tout le monde, tout ça. Le MENA est vraiment en minorité, mais est très très très très très très actif. En gros, ça veut dire qu'ils arrivent à tuer autant de FLN en étant trois fois moins nombreux, entre guillemets plus performants. Ils sont tous jugés de la même manière, ces gens-là, justice d'exception, très rarement par les tribunaux civils, qui sont de façon débordés. Ils donc sont jugés par la police, par la justice militaire, au tribunal des forces armées de Montluc principalement, où plus de 100 condamnations à mort vont être prononcées, essentiellement pour atteinte à l'intégrité du territoire, en gros terroriste, quoi. Et puis aussi beaucoup pour homicide. Et les homicides concernent donc des FLN qui tuent des MENA qui tuent des FLN, mais aussi des FLN ou MENA qui tuent des Algériens. Quand j'ai travaillé sur tous ces trucs-là, je regardais les Algériens qui sont arrivés, c'est pas facile de partir de chez soi. m'habiller personne. Enfin, bien même qu'il y en a qui nous racontent qu'ils sont contents de partir. Donc, j'ai du mal à y croire. Et à mon avis, quand vous quittez chez vous, vos odeurs, vos morts, votre histoire, tout ça, etc., puis que vous arrivez dans un autre lieu où vous êtes relativement moins bien considéré, on va dire, où vous n'avez pas forcément les codes linguistiques et puis évidemment encore moins culturels, que vous avez des travaux qui ne sont pas forcément ultra valorisants, et puis que vous êtes contrôlé, puisque vous avez la bonne tête qu'il ne faut pas, jour et nuit, que vous avez un couvre-feu qui ne s'applique qu'à vous, parce que toujours la tête qui ne va pas, puis qu'en plus, ceux qui sont soi-disant des vôtres vous mettent une pression démentielle. Pas facile quand même s'ils ont dû vivre ces gens-là. Tout ça en habitant dans un bidonville bien sympa. Voilà ce que j'avais à vous dire.